Je suis pas saint, maître de l'univers et le plus humble amour du monde. Je te supplie de bien considérer les services divers que toujours je te rends sans que rien ne nous lie. Le soleil verse ses feux d'ardent, je t'offre la fraîcheur de mes épais ombrages. Mais quand l'hiver cruel devient pas trop mordant, la flamme de mes yeux te donne un courage. Et l'oxygène pur dans tes poumons s'abreuve. Sais-tu bien que c'est moi qui les crée tous les jours, que sans lui il faudra que toutes choses meurent, que l'amour règnera sur la terre pour toujours. Le bois de tes outils, c'est moi qui te le donne. Tu en fais aussitôt mes plus cruels mots. Et toujours, malgré tout cruel, je te pardonne, car je sais trop qu'ils sont utiles à tes travaux. Tu es d'une maison, puis que tu prends tes armes, et je te vois soudain venir vers moi, et là, je suis assis, m'arrache bien des larmes. Mais souvent, ma douleur, tu ne m'écoutes pas.